je vais te raconter un truc incroyable. L'autre jour, j'étais dans la rue de Rivoli. J'étais avec ma copine, on faisait les courses dans les magasins. Je déteste ça, mais je l'accompagne de temps en temps pour lui faire plaisir. Bref, au bout d'un moment, je n'en pouvais plus. J'ai dit stop. On rentre dans un bistrot, on commande un café au comptoir. Et qu'est-ce que je vois quand je lève les yeux? Des photos de reines, de rois, de princesses, partout sur les murs. Des fleurs de lys, des articles encadrés sur les descendants du duc d'Orléans. Incroyable! Un café royaliste! Je ne savais pas que ça existait! Bah si! Il y a toujours des royalistes en France. Ils pensent que le comte de Paris, qui est le descendant du duc d'Orléans, frère de Louis XIV, devrait être roi de France. Mais ils ne savent pas qu'on a fait la Révolution? Que tout ça c'est du passé? Qu'on est en République? Et même pour être plus précis, la 5e République! Avec un président élu pour 5 ans et un parlement. Si, calme-toi, ils le savent. Mais ils ont toujours la conviction que le pouvoir légitime est le pouvoir royal. Oh, moi, ça ne me choque pas. Quand tu regardes bien, il y a beaucoup de royautés en Europe. L'Angleterre, les Pays-Bas, le Danemark, l'Espagne. Mais attends, c'est pas la reine ou le roi qui gouverne, mais le premier ministre. Et le parlement a son rôle à jouer, heureusement. Évidemment. C'est sûr qu'on ne peut pas comparer un roi ou une reine avec le président de la République. Ce n'est pas le même boulot. Mais il y a toujours des risques que le président de la République se prenne pour un roi.